Section 52 de La Lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sixtine B. La Lecture, tome 7e, section 52, Pensée détachée, par Jules Barbet d'Aurevilly. Notre réputation est le masque d'opéra avec lequel on va dans le monde, et on ne sait pas souvent quelle bonne et aimable chose cache la noirceur de cet affreux loup que les autres vous attachent sur la figure. Les hommes supérieurs doivent nécessairement passer pour méchants. Où les autres ne voient ni un défaut, ni un ridicule, ni un vice, leur implacable œil l'aperçoit. Dans le chose où le cœur n'est pas, la main n'est jamais puissante. Les hommes donnent leur mesure par leurs admirations, et c'est par leur jugement qu'on peut les juger. Quand on a des opinions courantes, je les laisse courir. L'esprit a des cheveux blancs bien avant la tête, et ce n'est pas les cheveux blancs de la sagesse, mais de l'enragement. C'est tout l'homme qui est éloquent. Le regard de l'homme fait partie de sa voix. La femme de Lot se retourna, et elle fut changée en statue de sel pour s'être retournée. Beau symbole! Quand on se retourne dans la vie et qu'on regarde son passé, on devient statue aussi, on n'est plus capable de rien. Les journaux, les chemins de fer du mensonge. La plus belle destinée, avoir du génie et être obscur. Fin de la section 52.